scénariste Ndikoma Nyanga. Albert Ndouaïa sur la mise en onde, bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Adoption à l'unanimité ce vendredi à Gitega par le Sénat burundais du projet de loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un projet de loi qui ordonne aux banques et autres entreprises de fournir à la cellule de renseignement financier toutes les informations suspectes observées au compte de leurs clients. Les problématiques de transport et de conservation des produits transformés au Burundi sont quelques-uns des défis qui hantent l'exportation des produits fabriqués au Burundi, selon Onésime Niyukuri, porte-parole du ministère du Commerce. C'était dans un atelier organisé par le Centre d'excellence régionale en sciences de la nutrition et ainsi en sigle. Certains des agriculteurs de la province Bururi grognent qu'ils n'ont pas encore reçu de fertilisants commandés pour la saison culturelle B alors que d'autres sont en train de semer. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Une personne a été tuée au cours de la nuit de vendredi à samedi sur la colline Nyamabere de la commune Manda dans la province de Bubanza. Selon les témoins sur place, des malfaiteurs non encore identifiés ont défoncé la porte vers 3h du matin. Ils l'ont trouvé dans la maison et ont tiré sur lui à bout portant avant de s'évader. Ils ont volé dans cette même maison un montant de 700 000 francs burundais. Selon la même source, la victime était un boucher. Les sources policières administratives à Bubanza disent avoir commencé les enquêtes ce samedi matin. Je vous le dis en titre, certains agriculteurs de la province Bururi grognent qui n'ont pas encore reçu de fertilisants commandés pour la saison culturelle B alors que d'autres sont en train de semer. Ils confirment qu'ils se présentent depuis environ une semaine au lieu de distribution de ces fertilisants, mais ne sont pas jusqu'ici servis. Les agronomes communaux confirment que les fertilisants arrivent au lieu de distribution à compte-gouttes, mais ne sont pas informés sur la cause. Ces agriculteurs demandent la disponibilité de ces fertilisants pour commencer le semis comme les autres. Le détail avec Zenon Zambiman. Ils grognent qu'ils se présentent au stock de distribution des fertilisants depuis environ une semaine pour récupérer leur sac de Fomi Imbura commandé et payé en totalité, mais ils ne sont pas servis. Ils sont certains des agriculteurs de la commune de Bururi que nous avons rencontrés devant les stocks du bureau provincial de l'environnement de l'agriculture l'élevage à Bururi. C'était aux environs de 17h de ce vendredi. Emportés par la colère devant ces stocks fermés où nous les avons trouvés même le matin de ce samedi, ils nous ont indiqué qu'ils ne comprennent pas pourquoi ces stocks sont fermés alors qu'ils ont vu à l'intérieur 100 sacs de Fomi Imbura. Ces agriculteurs grognent également qu'ils risquent d'être en retard dans le semis alors que d'autres qui ont eu la chance d'avoir ces fertilisants à temps sont en train de semer. Tous les agronomes communaux de la province de Bururi confirment que les fertilisants surtout Fomi Imbura arrive au lieu de distribution à compte-gouttes, mais ils ne sont pas informés sur la cause. Juvan Daikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, explique que la pénurie du carburant est à l'origine de cette distribution à compte-gouttes de fertilisants pour cette saison culturelle B et confirme que toute la quantité disponible est distribuée dans la transparence. Nous avons voulu savoir la quantité de fertilisants déjà distribués par rapport à environ 2000 tonnes dont les agriculteurs de la province de Bururi ont besoin cette saison culturelle B, mais sans succès, car la directrice du bureau provincial de l'environnement de l'agriculture et de l'élevage à Bururi nous ont fait savoir qu'elle n'était pas disponible. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Du sud de Cap, sur le nord du pays où la maladie BXW qui attaque la banane a sensiblement diminué jusqu'à plus de 40% en province Ngozi suite aux différentes sensibilisations sur les méthodes de lutte contre cette maladie. Propos de Cyprien Sindayebura, inspecteur phytosanitaire au bureau provincial en charge de l'agriculture en Ngozi. Il conseille le déracinement de tout bananier atteint de BXW car car cette maladie n'a pas jusqu'ici de médicaments, n'est-ce pas, Apollinaire Muzagara? Comme l'indique Cyprien Sindaïhebura, inspecteur sanitaire au bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage, la maladie de la banane BXW a sensiblement diminué en province Ngozi. Selon lui, toute la province avait été atteinte jusqu'à 90%, mais cette maladie a chuté jusqu'à au moins 40% dans cette province actuelle. Et cela, grâce à des séances de sensibilisation à l'endroit des agriculteurs, à qui on demandait de déraciner les bananiers atteints, de les enterrer et de chauffer à température élevée le matériel utilisé. Les responsables de PAI Ngozi conseillaient aussi de replanter le terrain où les bananiers ont été déracinés après au moins 6 mois. Selon Cyprien Sindaïhebura, ceux qui ont suivi ces conseils ont réussi à combattre cette maladie. Ils profitent pour demander aux autres cultivateurs d'observer ces conseils afin de faire face définitivement à la maladie BXW. Cette maladie est à l'origine de la grimpée du prix de la banane en province Ngozi, où le régime de banane qui coûtait 10 000 francs avant 2020 est actuellement à 30 000 francs. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais également en titre, les problématiques de transport et de conservation des produits transformés au Burundi sont quelques-uns des défis dont fait face les produits fabriqués au Burundi, made in Burundi, qui ne parviennent pas à accéder aux marchés régionaux et internationaux. Explication de l'un des panélistes qui est également le porte-parole du ministère de Commerce dans un atelier de sensibilisation de 3 jours à l'endroit des industriels du secteur agroalimentaire, hôtelier et restauration collective au respect des normes et au contrôle de qualité dans leur domaine du centre d'excellence régional en sciences de la nutrition et en sciences sigle. Onedim Nikuri précise qu'il faut beaucoup de sensibilisation dans ce secteur afin qu'il soit efficace. Suivez plutôt Onedim Nikuri. Lors de cette présentation, nous avons vu pas mal de défis, notamment les défis liés au transport, à la logistique internationale. Est-ce que nous avons des infrastructures suffisantes en bonne qualité pour le transport au niveau côtier, lacustre, même au niveau aérien? Ça aussi, nous devons faire des efforts pour pouvoir contrecarrer les défis qui se trouvent au niveau de l'infrastructure de transport. Nous avons vu également qu'il y a un coût exorbitant qui est lié à la production et à la construction d'une image et d'une marque d'un pays ou d'une entreprise. Nous avons également vu d'autres défis liés à l'accès au crédit et à l'accès au financement. Ici, nous avons vu que pour construire justement une image et une marque d'un pays, il faut qu'il y ait des appuis. Quelles sont les exigences en matière du commerce international pour bâtir l'image et la marque de l'entreprise? Et nous avons vu qu'il faut également que des institutions financières puissent continuer à appuyer les petites et moyennes entreprises, mais aussi les opérateurs économiques, afin qu'ils puissent produire plus, mais aussi apprendre à transformer des produits accessibles sur le marché international. Et nous avons vu également que les institutions chargées de promouvoir l'image du pays, notamment l'Agence de développement du Burundi, puissent continuer à faire le marketing des produits made in Burundi pour pouvoir permettre aux produits burundais d'accéder au marché régional et international, mais aussi de négocier des accords en faveur des opérateurs économiques burundais pour pouvoir accéder à ces marchés, mais aussi pouvoir bénéficier des avantages offerts par ces accords commerciaux dont le Burundi fait partie. Onesime Nyukuri, porte-parole du ministère du Commerce. L'indemnisation des personnes dont leurs biens seront touchés par le projet de construction du chemin de fer Vinza-Musongati figure parmi les questions qui ont été posées aux équipes techniques du Burundi et de la Tanzanie. C'était ce jeudi lors de la réunion de sensibilisation pour ce projet à l'endroit des services déconcentrés. Le secrétaire permanent au ministère ayant les infrastructures dans ses attributions au Burundi, a rassuré que le projet proprement dit ne pourra commencer que lorsque les personnes concentrées seront déjà établies dans leurs droits. Les détails avec Élisée Cuisera depuis Makamba. Lors de la réunion de sensibilisation pour le projet de construction du chemin de fer Uvinza-Musongati, relié au Burundi et la Tanzanie, ce jeudi dans la province Makamba, à l'endroit des services déconcentrés, la question a rapport avec l'indemnisation des personnes dont leurs biens, entre autres les propriétés, les cultures et les maisons, seront touchés par ce projet. Egide Nijimbere, secrétaire permanent au ministère ayant les infrastructures dans ses attributions, réplique que la liste des personnes concernées par cette indemnisation, bien qu'elle soit provisoire, est déjà établie et que même l'objet relatif est réservé. Il rassure que la construction proprement dite de ce chemin de fer ne commencera que lorsque les personnes concernées seront rétablies dans leurs droits. Cette indemnisation se référera à l'ordonnance ministérielle numéro 710/504/553 du 24 mai 2022 portant actualisation des tarifs des terres, des cultures et des constructions en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. À côté de cela, s'ajoute le problème lié à la coupure électrique qui s'observe souvent au Burundi. Au cas où ce chemin de fer sera électrifié, Egide Nijimbere parle des barrages en cours de construction et fait espérer qu'avec la période d'exécution du projet ferroviaire, ce problème sera déjà résolu. Depuis Makamba, Élisée Cuisera, Radio Isanganiro. De Makamba, rendons-nous à Gitega où le projet de loi portant modification de la loi numéro 1/02 du 4 février 2008 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, adopté à l'unanimité ce vendredi par les sénateurs, ordonne aux banques et aux entreprises de fournir à la cellule de renseignement financier toutes les informations suspectes observées au compte de leurs clients. Il exige aussi la coopération des États, comme l'indique le ministre des Finances. Nestor Naonouye ajoute aussi que des enquêtes sont en cours pour si oui ou non il y a des cas de blanchiment de capitaux au Burundi, n'est-ce pas Gérard Nivikiza? Présentant au sénateur l'exposé des motifs par rapport à ce projet de loi, le ministre des Finances, Nestor Naonouye, a indiqué que l'ancienne loi était lacunaire et du nouveau dans ce projet de loi est donc d'ordonner aux banques, institutions financières et entreprises de fournir à la cellule de renseignements financiers toutes les informations suspectes observées au compte de leurs clients. Et là, précise monsieur le ministre, c'est comme des transferts de grosses sommes d'argent inhabituées au compte des clients des institutions financières et entreprises. Le ministre Nestor Naonouye a aussi souligné qu'un autre élément nouveau dans ce projet de loi et la coopération entre les États, qu'ils soient voisins ou de l'Ouest. Il explique que les malfaiteurs étrangers peuvent être au Burundi pour le déstabiliser ou pour déstabiliser les autres pays, ou alors les malfaiteurs burundais ou étrangers peuvent être à l'étranger, mais tout en préparant la déstabilisation du Burundi ou même des autres pays. Donc, il dit qu'il faut y avoir des échanges d'informations entre les États dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive. À la question du sénateur Ferdinand Ndayisavie de savoir si oui ou non au Burundi il y aurait des cas de blanchiment de capitaux où les gens cacheraient leur argent ou le transféreraient dans les banques étrangères, le ministre des Finances a répondu que depuis le mois d'août de l'année dernière, il s'est effectué une analyse de tous les comptes et dans toutes les institutions financières du pays et que donc il faut attendre les résultats des enquêtes qui seront menées. Ce projet de loi prévoit aussi le renforcement des sanctions pour toute personne qui se ferait coupable du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le renforcement des capacités du personnel de la cellule de renseignement financier en particulier et de la population en général et autres. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isangani. Voilà, c'est sur cette correspondance de notre confrère Jean Ibigira que se referme cette édition. Mais à cela qui vient de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel. Adoption à l'unanimité ce vendredi à Gitega par le Sénat burundais du projet de loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, un projet de loi qui ordonnait aux banques et autres entreprises de fournir à la cellule de renseignement financier toutes les informations suspectes observées au compte de leurs clients. Les problématiques de transport et de conservation des produits transformés au Burundi sont quelques-uns des défis qui hantent l'exportation des produits fabriqués au Burundi, selon Onésime Niyukuri, porte-parole du ministère du Commerce. C'était dans un atelier de 3 jours organisé par le Centre d'excellence régionale en sciences de la nutrition, et ainsi en sigle. Certains des agriculteurs de la province Bururi grognent qui n'ont pas encore reçu de fertilisants commandés pour la saison culturelle B, alors que d'autres sont en train de s'aimer. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci Albert Ndouaye pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Evariste Ndikoumanyanga. Bonne suite de nos programmes. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Ils trouvent la mort qu'ils fuyaient dans leur propre pays, écrit Net Press. Ironie du sort, alors qu'ils tentaient de fuir pour leur sécurité vers le Burundi, des Congolais, une quinzaine, qui fuyaient des combats intenses entre le M23 et les FRDC, ont trouvé la mort par noyade dans la rivière de Rusizi, qui sépare le Burundi de la République démocratique du Congo, et ce en moins de 48 heures, entre samedi et dimanche 16 février. Ces pertes ont eu lieu dans la commune de Rubgombo de la province Cibitoke, et malgré cela, l'arrivée des réfugiés se poursuit et minimise les risques de mort par noyade, précise ce journal. Selon des informations recueillies sur place par son confrère, les affrontements entre les deux belligérants sur terrain ne sont pas la seule cause du départ des Congolais. Il y a également de l'indiscipline de l'armée congolaise et des groupes Wazalendo qui tirent en l'air et qui pillent tout sur leur passage dans leur retraite, souligne ce quotidien en ligne. Quelques 120 cas de fièvre aphteuse déjà détectés, rapporte l'agence burundaise de presse. Des données du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans certaines localités de la province Bubanza, rapportées par la BP, montrent que jusqu'au début de ce mois de février, au moins 120 cas de cette maladie bovine avaient déjà été détectés. Parmi ces cas, 7 sont morts tandis que d'autres ont été traités et guéris. Cette fièvre aphteuse s'est manifestée dans 6 zones sur 15 que comprend la province de Bubanza, à savoir les zones de Musigati, Kivyuka, Namba en commune Musigati, la zone et commune Gihanga et dans celle de Rugazi et Muzinda en commune Rugazi. Ce quotidien rappelle qu'une vache atteinte présente des aphtes buccaux, des abcès au sein des sabots, une fièvre qui atteint les 39 degrés. Revue de la presse. Des réformes pour tenter de revivifier le système éducatif, rapporte Burundi Echo. En effet, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a mis sur pied une commission technique afin de proposer des solutions visant à améliorer la qualité du système éducatif. Ce groupe d'experts propose entre autres la réintroduction de la 10e année de l'école secondaire, la suppression de la section des sciences sociales et humaines et l'augmentation des heures de cours. C'est du moins les grandes recommandations formulées lors d'un atelier organisé les 13 et 14 février 2025 à Gitega visant à enrichir le rapport d'évaluation du système éducatif burundais, note ce journal. Le groupe d'experts a également constaté que les étudiants des facultés de l'Université du Burundi ainsi que ceux de l'Institut de pédagogie appliquée IPA et de l'École normale supérieure ENES manquent de compétences suffisantes dans leur domaine d'études. Il est donc recommandé de prévoir une année supplémentaire à leur cursus afin qu'ils suivent 4 années d'études au lieu de 3, écrit cet hebdomadaire socio-économique. On termine cette revue de presse toujours dans le domaine de l'éducation avec cette annonce d'un blogueur du collectif IAGA, à savoir que le petit séminaire de Mugera aura bientôt 100 ans. En effet, la toute première école secondaire du Burundi va bientôt souffler sur ses 100 bougies. En effet, souligne son blogueur, samedi 15 février 2025 à Mugera, le clergé a ouvert solennellement l'année jubilaire de 100 ans d'existence du petit séminaire Sainte-Famille de Mugera. À cette occasion, ajoute-t-il, on a fait d'une pierre deux coups, puisque s'est ouverte aussi l'année jubilaire de 100 ans d'ordination sacerdotale des deux premiers prêtres du Burundi. Il s'agit de feu Émile Ngendagenda et feu Patrice Nidendereza, ordonnés à Mugera le 19 décembre 1925 par Mgr Julien Gorju. Ce blogueur du collectif IAGA estime qu'avec ses 24 702 élèves déjà formés par cette école, elle reste importante pour la qualité de l'éducation qu'elle dispense. Parmi eux se trouvent 400 prêtres, dont 14 évêques, comme cela apparaît dans la brève historique dressée à l'occasion, avec le nouvel évêque de Bubanza, Mgr Emmanuel Nakarutimana, qui va être le 15e. D'autres formés à cette école sont devenus de bons économistes, juristes, journalistes, professeurs, médecins, politiciens, militaires, policiers, etc. D'après ce blogueur du collectif IAGA, aucune personne encore en vie n'a vu ses murs s'élever harmonieusement en 1926 sur la montagne sacrée où régnaient les imams à Mugera. Et c'est par là que nous bouclons cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.